Toujours à l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, le roi Norodom Sihamoni et la grande reine Norodom Moninet Sihanoukou du Cambodge ont fait parvenir le 1er avril les grandes corbeilles de fleurs à l'ambassade coréenne dans leur pays. Mandatée par le roi et la grande reine, la délégation du ministère du palais royal du gouvernement cambodgien, conduite par Khon Samol, vice-premier ministre chargé du palais royal et président du comité préparatoire cambodgien pour la journée du soleil, a déposé les corbeilles de fleurs devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il avant de leur rendre hommage. Le chef de la délégation a transmis à l'ambassadeur coréen les meilleurs vœux du roi et de la grande reine formulés au dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion de la journée du soleil.